juger, pour souhaiter voir nos regards s'assécher. Souffrirais-tu du syndrome de Sjögren, ou bien n'as-tu aucune émotion? J'aimerais te faire partager